Bosco, Douiman. Merci de rester fidèle à notre station. Voici le journal Les Grands Titres. Le porte-parole du ministère de l'Énergie et Mines trouve inexplicable la pénurie de carburant qui s'observait ces jours-ci alors que 86 camions remplis de mazout et d'essence ont été déchargés le week-end dernier. Vous l'entendrez. Et le bureau burundais de normalisation autorise la société chinoise Great Lake Company de vendre son ciment après analyse de conformité aux normes. Et le président de l'Olucom plaide pour l'indépendance de la Banque centrale, aujourd'hui sous tutelle directe du cabinet du président de la République. Dans une conférence de presse jeudi, Gabriel Rufiri a suggéré qu'un investissement accru dans les cultures industrielles permettrait la diversification des sources de devises. Voilà pour le sommaire. Plusieurs stations-service en mairie de Bujumbura sont à sec, mais l'on y observe de longues files d'attente de véhicules à la recherche du carburant. Certains citadins disent que cette persistance de pénurie devient de plus en plus insupportable. Au moment où les prix du carburant ne cessent d'augmenter, le prix du carburant a été revu à la hausse cette année pour la troisième fois au début du mois d'octobre. Entre-temps, 86 camions remplis de mazout et d'essence ont été déchargés le week-end dernier. Précision du porte-parole du ministère de l'Énergie et Mines ce jeudi. Ce ministère dit ne pas comprendre le pourquoi de ces longues files d'attente sur les stations-service. Léonidas Sindaïgaïa fait savoir qu'environ 30 millions de litres d'essence et de mazout sont mensuellement consommés. Suivez-le au micro de Mireille Kanyang. Il y a des petits problèmes, effectivement. L'essence n'est pas très disponible au niveau des stations-service. Mais il y a également des surprises parce que vendredi passé, il y a eu quelques 55 camions qui sont rentrés au pays. Et la journée de samedi, on ne comprend pas pourquoi il y a ces files d'attente pour l'approvisionnement en carburant. Il y a certains qui parlent d'une probable hausse du prix des produits pétroliers au Burundi. Est-ce le cas? La hausse des prix de carburant ne dépend pas de la volonté des dirigeants burundais. Ça dépend des cours mondiaux de ces produits. Au demeurant, il y a une légère baisse de ces produits. Évidemment, ça ne devrait pas toujours accompagner une légère baisse au niveau des prix de tarifs au niveau des stations-service. Il y a des pays qui ont pris des stratégies qui prennent par exemple 6 mois sans changer le coût au niveau des stations-service pour peut-être permettre à la population une certaine stabilité. Il y a des pays qui changent mensuellement en fonction des cours mondiaux. Nous sommes en train d'analyser cette question au niveau du ministère pour voir si effectivement on ne pourrait pas sortir une ordonnance chaque mois, à la fin de chaque mois, en fonction des cours mondiaux de ces produits. Est-ce qu'on peut savoir, disons, au cours du mois d'octobre ou pour le mois de novembre, combien de litres de mazout et d'essence ont fait objet de commandes et quelles sont les consommations mensuelles en produits pétroliers au Burundi? La moyenne de consommation au niveau du pays est de quelques 30 millions de litres par mois. L'essence autour de 10 millions, le gazoil autour de 20. La commande est continuelle. La consommation est continuelle aussi. Que je ne pourrais pas dire qu'on a commandé 5 millions, c'est la continuité. Une certaine opinion pense qu'il y a peut-être ces longues files d'attente suite à un nombre peut-être limité d'importateurs. Qui sont les importateurs aujourd'hui au pays? Oui, à un moment donné, il y a eu un nombre assez important d'importateurs. Aujourd'hui, je pourrais parler des principaux, c'est la régie des eaux, pratiquement pour l'essence. Il y a également le T-Pétrole et Prestige. C'était Léonidas Sindaïgaïa, porte-parole du ministère de l'Énergie et des Mines. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques plaide pour la bonne gestion et la diversification des sources de devises afin de faire face à leur rareté persistante. Dans une conférence de presse animée ce jeudi, Gabriel Rufiri, président du dit observatoire, a estimé qu'il faut notamment rendre indépendante la Banque de la République du Burundi et investir davantage dans les cultures industrielles, dont le café, le thé et le coton. On l'écoute. Cette situation de carence de devises que nous sommes en train de parler est due à la faible production, généralement liée à la production des cultures industrielles, le café, le coton et j'en passe. D'où pour l'ORICOM, nous avons émis des recommandations en vue d'interpeller la conscience d'abord des dirigeants, mais aussi la conscience de tous les Burundais. La première recommandation, nous voulons demander au gouvernement d'abord de rendre indépendante la BRB. Nulle part au monde, la BRB ne peut pas se trouver à la présidence. Nous demandons à l'autorité publique de tout faire pour que la BRB soit gérée suivant les normes des autres banques nationales. Vous savez que la politique monétaire dans le monde entier, ce sont les banques centrales qui s'occupent de cela. Tout commence par là. Deuxième recommandation, nous demandons au gouvernement, par ailleurs comme il a accepté, souvenez-vous que le premier ministre devant les parlementaires a décrié la mesure de vendre les billets d'avion en devise. Nous demandons à ce que cette mesure soit réanalysée dans les meilleurs délais. Troisième recommandation, nous demandons à ce que les peu de devises que nous avons soient gérées dans la transparence et données réellement aux personnes qui vont importer, mais aussi de surveiller rigoureusement les bénéficiaires de ces devises. Nous demandons aussi de mettre en place un système de suivi pour ceux qui ont reçu ces devises. Deuxième catégorie de recommandations, c'est juste pour diversifier les ressources de devises. Nous demandons à ce que le gouvernement investisse davantage dans les cultures industrielles, génératrices de devises, essentiellement les exportations du café, du thé, du coton, du développement des secteurs minéraux, du tourisme, de la diaspora et de l'investissement direct étranger et de la coopération internationale. Gabriel Roufsiri, président de l'ORICOM. Et la commercialisation du ciment de la société chinoise Great Lake Company est désormais autorisée au Burundi, annonce du directeur général du bureau burundais de normalisation BBN ce jeudi lors d'un point de presse après analyse de conformité aux normes de ce ciment. Le professeur Sindai Kengera Severin indique que le BBN envisage un contrôle rigoureux et régulier des matériaux de construction, notamment les fers à béton, les fils électriques et tuyaux, en vue de respecter les principes de la qualité et des normes. Ornella Mucho. Après contrôle et analyse de conformité aux normes du ciment GLC basé en RDC, la commercialisation de ce ciment est autorisée depuis ce jeudi par le bureau burundais de normalisation BBN. Le directeur général, professeur Severin Ndaikengera, rappelle que la vente de ce ciment était suspendue suite aux résultats falsifiés analysés par le laboratoire de Lobura. Toutefois, il annonce qu'après le contrôle, les résultats trouvés remplissent les normes. Nous sommes ici pour, n'est-ce pas, annoncer cette mesure et de les laisser et que le ciment soit vendu, que le ciment puisse entrer au commerce. Et nous profitons de cette occasion pour dire aussi et d'autres activités de management de la qualité qu'on a déjà commencé et que beaucoup de gens disent que ces activités sont suspendues, ne sont pas suspendues. C'est un processus et nous espérons que ça va aller. Et là, je pense que parmi ces activités, vous vous souvenez que l'usage, l'utilisation de ces emballages et de récupération qui normalement devrait être utilisé une fois, mais ici chez nous, c'est utilisé plusieurs fois. L'arrosage des légumes, surtout les amarantes, par des eaux usées, des eaux de caniveau. Il y a d'autres, comme ces gens qui grimpent sur les camions, les cyclistes ou les enfants à côté des écoles. Les vendeurs des produits qu'on ne sait pas de quelle qualité aux alentours des écoles, etc., etc. Et nous sommes en train de voir comment essayer de retirer ces produits non conformes au marché. Claude Bernard Manilambona, représentant des sociétés Moussumba Cement et Nepacom, se réjouit de la levée de cette mesure malgré la perte déjà enregistrée. Pour nous, la société Moussumba Cement et la société Nepacom que je représente ici, nous allons maintenant nous mettre au travail et vendre et donner au peuple et à la population un ciment tout en étant sûr de la qualité qui est exigé par les normes du pays. Les charges incombent pendant la période de suspension. Et nous avons bien parlé avec notre fournisseur JLC, Kabima. Les sociétés Nepacom et Moussouba Cement vont payer la facture, mais elles seront remboursées par JLC. La mesure interdisant la commercialisation de 600 tonnes de ciment de la société JLC, produit en RDC, avait été prise le 25 septembre de cette année. Vous n'avez pas Isanganilo, vous ratez l'essentiel. L'administrateur de la commune Kirundo interdit la vente du bétail sans l'aval du chef de colline. Cette mesure est consécutive aux actes de vol nocturne, surtout des chèvres, perpétrés dans les ménages. Cette autorité communale demande à la population de dénoncer ces bandits qui se cacheraient spécialement sur les collines surplombant le centre urbain de Kirundo, d'où nous appelons notre correspondant Abraham Safari. Parmi les mesures prises par l'administration communale de Kirundo dans une réunion de sécurité tenue ce mardi après-midi, aucune chèvre ne sera mise au marché sans aval du chef de colline qui doit octroyer un papier d'autorisation avec cachet qui atteste que cet animal n'est pas le butin du vol. Des chèvres et porcs suspendus dans des bistrots doivent être abattus dans l'abattoir ou lieu connu publiquement. Viateur Habimana, administrateur de la commune de Kirundo, demande à la population de sa circonscription de faire des rondes nocturnes chez eux et dans leurs champs de culture. Quant aux chefs de colline, ils doivent tenir des réunions de sensibilisation et surtout de pointer des doigts aux endroits où se cachent ces bandits, surtout sur les collines surplombant le centre urbain de Kirundo. Pour ceux ayant des objets de valeur comme des véhicules, ils doivent absolument chercher des veilleurs car, a-t-il dit, on ne peut pas avoir des policiers qui peuvent sécuriser tous les ménages. Quant à la population, elle doit fournir toute information en rapport avec le vol perpétré par ces malfaiteurs. Certaines personnes interviewées, la plupart saluent ces mesures prises, mais restent pessimistes quant à leur mise en application, surtout que ces bandits, quand ils sont appréhendés, sont relâchés dans un laps de temps avant même la confection des dossiers. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Merci Abraham. Et le scanner de l'hôpital Natuke Turashowoye de Karusi est en panne depuis 5 mois. Le médecin directeur de cet hôpital, Prote Baribarira, tranquillise et déclare que la pièce en panne est déjà commandée à l'extérieur du pays. Blaise Pascal Kararoumiye. Cet appareil dit scanner de l'hôpital national Natuke Turashowoye de Karusi était beaucoup plus envié par les médecins de différents hôpitaux du pays et dans la région, comme l'indiquent les responsables de cet hôpital. Les techniciens affirment que les images produites par cet appareil sont plus visibles par rapport à celles produites par les scanners des autres localités dans le pays. Ces responsables indiquent que, entre-temps, ils utilisent l'appareil IRM, imagerie à résonance magnétique, qui vient d'être installé à cet hôpital de Karusi, tout en signalant que l'accessibilité à cet appareil IRM est moindre par rapport à celle du scanner et que même le coût est élevé par rapport à celui qu'on devrait payer pour le scanner. Le médecin directeur de cet hôpital, Natuke Turashowoye, tranquillise que la pièce en panne est déjà en commande à l'extérieur du pays et qu'on attend que la société HMS, engagée pour la maintenance des appareils de cet hôpital de troisième référence, vienne réparer le dit scanner de grande importance pour tout le pays et plus particulièrement pour cet hôpital Natuke Turashowoye, lui permettant de renflouer ses caisses. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararoumiye pour la radio Isanganiro. Merci Blaise. 20 porcs sont morts sur cette colline de la commune Nyabihanga en province Mwaro depuis dimanche dernier suite à une maladie non encore identifiée. Une mesure interdisant provisoirement le déplacement de ces animaux a été prise ce jeudi par les autorités administratives dans cette commune. Du sport maintenant. Le staff de l'équipe nationale de football Inamba Murugamba devrait avoir un psychologue chargé de préparer les joueurs avant de livrer des matchs internationaux. C'est le souhait du sélectionneur national Étienne Ndayiragije au moment où les Inamba Murugamba se préparent pour les matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Inamba Murugamba vont livrer deux matchs en date des 16 et 19 du mois en cours contre la Gambie et le Gabon. Suivez plutôt Étienne Ndayiragije, traduit par Évariste Nzikobanyanga. Turakeneye umupreparateur mental umuntu afasha abakinyi kumenya kwakira pression L'équipe nationale a besoin d'un psychologue qui prépare mentalement les joueurs, de même que leur club d'origine. Celui-ci viendrait aider les joueurs à gérer l'intensité du match, comment se positionner sur et en dehors du terrain, préparer l'avenir à la fin de la carrière, ainsi que savoir comment associer le football à d'autres activités génératrices de revenus. J'ai demandé ce psychologue au responsable de la Fédération de football du Burundi et j'ai constaté qu'il aussi pensé déjà à celui-ci. Nous n'avons pas encore eu ce psychologue. Quelqu'un qui les connaît parmi vous peut nous aider à les contacter. Il viendrait aider cette jeunesse à développer le football qui est le sport, mais aussi un métier. Ils sont vraiment d'une importance capitale. Nous suivons de près cette question. Nous sollicitons votre contribution pour que ce préparateur mental soit engagé, pas seulement pour l'équipe nationale, mais aussi pour les clubs d'origine des joueurs. Le sélectionneur national Étienne Ndayiragije. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.